Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. To me, Soul Coherence was definitely just a collective of like-minded individuals. I remember us being at Electric Lady. You know, I'd be downstairs, Amir would be in the room. And it was just like a hotbed. Like, everyone would stop by. You know, everyone knew we was there. So Erica would stop by, or she would be upstairs. Common would be down the hall. Yeah, he had Studio A. Common had Studio B. And then up in C would be, you know, accessory. Yeah, either Most or Quali or sometimes Bilal or, you know. So at any given moment between 1997 and like 2001, 2002, like, we literally just took over Electric Lady Studio. D'Angelo nous a quittés le 14 octobre dernier. On l'a souvent comparé à Prince. On a dit de lui que c'était l'artisan de la New Soul dans les années 90. Bienvenue dans la nuit des temps de D'Angelo. Everybody needs to feel free. D'Angelo était un chef de bande, un musicien qui rassemblait d'autres musiciens, une véritable constellation autour de lui. Alors ce soir, on va bien prendre notre temps. On ne va pas beaucoup causer. On va surtout ouvrir grand les portes à ces sons parmi les plus précieux des années 90. Ces sons qui ont souvent ouvert les portes de Frank Ocean, Eric Abadou, Lauryn Hill, Bilal ou Tyler the Creator. Nous sommes à la croisée de la soul des années 70, du hip-hop des années 80 et d'un jazz en pleine refonte. La nuit des temps, Radio Duo. A story called Go. You've got so far. something that you can feel. It's hard to stay still, rubbing your desires up against mine. I feel you shaking, I'm thinking that it's time. My fingers on the hook of your neck, deep in your eyes is a look of respect. Soft, wet, brown sugar mixed with cinnamon. Said you learning to trust men again, but this is love, made unselfish, made for you to feel empowered at the same time helpless. You dealt with a lot in your screams and moans. There's something about your world that I've seen, I'm home. But we don't have to think no more, it's synchronicity of war. And this is what I came here for, You have been G Dilla rencontre D'Angelo. G plus D. So far to go. Nous sommes en 2006. Make your way to the stage. It's showtime. I know you've been waiting a long time tonight. Just get ready. Band are warming up, getting ready. As you all know, tonight is a very special night. We're going to see something you don't normally see down here at the Jazz Cafe. A unique artist, a guy who's been described as the R&B talent of the year, the find of the year, definitely. His debut single has gone gold in America. His album's on the way to gold as well. His first single's going to be out here in about 3 weeks' time. And if you're sitting at the back, make sure you get a vantage point at the front. All right, everyone, get ready. Big, big welcome to the man himself, D'Angelo. You can't hide. 1995. Nous sommes dans un minuscule club de jazz à Londres. C'est le célèbre Jazz Café. Et D'Angelo réalise un de ses premiers concerts en Europe. Soudain, c'est la révélation. Pour le public, le son est direct, puissant, rugueux, le groove implacable. C'est un véritable soulman qui renverse la table en direct. D'Angelo, c'est une connexion ultra organique entre le jazz, la soul, le hip-hop et le groove. C'est un vrai laboratoire sonore du début des années 2000 qui se développe. Et dans la clique, on retrouve, accrochez-vous, le trompettiste de jazz américain Roy Hargrove, Pino Palladino à la basse, James Poyser au clavier, Questlove de The Roots à la batterie. Et c'est toute la clique à la manœuvre sur l'album chef-d'œuvre de D'Angelo, Voodoo. Alors on laisse le groove monter tout doucement. Le blues remonter à la surface. La soul résonner dans nos cœurs. Thank you. substitute. Talk I can't I must endure. But that's alright. Mother says, son, listen, you know. La nuit des temps, l'international de la danse. Senses me that our own people don't realize our own heritage, our own culture. This is our music. That's bullshit.

Années 90, la clique autour de D'Angelo bricolait son groove organique dans les studios de Jimi Hendrix au Electric Ladyland. Il y avait entre autres Questlove, toujours de The Roots, G. Dilla, Roy Hargrove et cette fois Erykah Badu. Musicians that is, I am a musician, that's what I am, and he's from the church, you know, his mama is a pastor and he plays at church, you know, and he's just a musician. This is what I do. If I put out an album, cool, you know, but this is just what he does, you know. And he's not a big fan of rushing anything, as you know. Get involved. Met this girl walking in. might as well play. The way you shine, shorty, you the shit. The princess in the pauper pit. We may be poor, but we rich in soul. Just get involved and get in control. Just get involved and get in control. You know the way you do it, yo, bro. Vertébrale du son de D'Angelo, mesdames et messieurs, le trompettiste Roy Hargrove. L'un des apports de D'Angelo au groove est ce qu'on appelle le Behind the Beat. Le Behind the Beat, c'est un groove légèrement en retard sur le temps. Un truc à peine déséquilibré. Un vide. Et là, on le sent dans cet extrait de son sublime album Voodoo. D'Angelo, c'était beaucoup de grandes et belles choses. Peut-être, même certainement, le retour à un son très organique, rugueux, pas lisse du tout. C'était des collectifs aussi de musiciens qui cherchent et expérimentent autour du groove, du jazz et du hip-hop. C'était une synthèse entre une musique sensuelle et spirituelle, le body and soul. Le rythme, à la fois super marqué, mais légèrement en retard, presque décalé. Et puis, c'était peut-être lui qui a insufflé l'envie à un vétéran comme Prince de renouer avec le funk et le jazz en fin de carrière, avec ce truc que le groove est plus important que la performance. Alors pour rendre ce soir hommage à D'Angelo, nous avons reçu Angie Stone, G. Dilla, The Erich Factor avec Pino Palladino, James Poyser et Questlove de The Roots. Et puis tiens, comme on en parle de The Roots, il y avait aussi The Roots directement. Erika Badu était également parmi la fête et le trompettiste magnifique Roy Hargrove. Et Prince, bien entendu, pour se dire au revoir. L'heure de refermer les portes de notre bon vieux club sur ces sons qui nous ont tant fait vibrer dans les années 90 et 2000. Les étoiles brillent dans le ciel de Saint-Étienne, peut-être un peu plus fort ce soir avec celle de D'Angelo. La musique, les ondes, les vibrations, le groove. Tous ces sons continuent de nous transporter, comme Janelle Monae dans quelques secondes pour les bonus de la nuit des temps. Il est 22h02 sur Radio Duo. Buena noté. Salut! La nuit des temps, Radio Duo.